petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Continue de faire semblant de m'écouter, même si tu ne piges pas. Petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Continue de faire semblant de m'écouter, même si tu ne piges pas. Traverse pas. Fais gaffe aux grosses voitures. Reste à la maison. Au studio ça pue. J'oublie tout quand tu ronronnes. J'bousille tout si tu m'abandonnes. Te ramène du lait sur ta langue, ça fait clap clap. Dieu merci tu connais pas Snapchat. J'te caresse à part le premier qui t'attrape. J'lui ravage la face, j'lui rappelle que ça n'a rien aime. Lorsque Val rap, t'aimes la chaleur de mon lit. J'ai de la valeur à ce que l'on dit. J'peux pas dormir quand t'es loin de moi. Tu vois dans le noir, mais t'as besoin de moi. Petite, toute petite, toute petite, toute petite. Petite, petite chatte, toute mignonne, souple comme les mouclignottes. Petite chatte, petite chatte. Oh ma petite chatte, petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Continue de faire semblant de m'écouter, même si tu ne piges pas. Petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Continue de faire semblant de m'écouter, même si tu ne piges pas. Pourquoi t'es parti chez le voisin? Il joue le métal alors que c'en est pas un. Tu grattais à ma porte tous les jours. L'avenir joue des tours. Ton poil s'hérissait quand je te caressais. Sur mon corps pour me caresser. Je suis la petite souris comme un Walt Disney. Sans toi mon salon comme inanimé. Petite, petite, petite chatte, toute mignonne, souple comme les mouclignottes. Petite chatte, petite chatte. Oh ma petite chatte, petite chatte. Petite chatte, oh ma petite chatte. Continue de faire semblant de m'écouter, même si tu ne piges pas. Petite chatte, petite chatte. Oh ma petite chatte. Petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Continue de faire semblant de m'écouter, même si tu ne piges pas.